Je perds mes pulsations face à toutes ces tentations. Je suis pas rempli de lamentations. Regrets ceux qui le sont. Respect pour les fraissons. Mes tressons s'entrechoquent dans les tessons. Les caissons, les tessons armés, les caissons barbés. Trop de mal à parler, ma rancune pourrie comme un ongle incarné. Petit à petit et pas à pas, je vis ma vie sans foi ni loi, sans thème. J'entame la trame des centaines d'états d'âme, hein, devant la mort de cet état d'homme. Parti en vrille quand tu m'as quitté, la cible d'un missile téléguidé. J'ai frisé le coma éthylique et la perte de neurones intellect devant les drogues que je délecte. Mais je fais ma sélection selon l'humeur et la réaction. Vu les effets secondaires sont pas forcément ce qu'on blaire. Comme ce combat entamé par Bush et Tony Blair. Les douches de Hitler ou les douilles perdues d'un fils de pute de commissaire. Au final enfermé dans un voile de conifère. Donc le micro me libère, j'ai les crocs. Été comme hiver sous bédo, l'alcool je digère. Pourtant l'avenir me digère. Mais je suis blasé, lassé. J'ai même la flemme de me raser. Brassé dans la mélancolie, on devient vite alcoolique. Seul ou accompagné d'acolytes, c'est dur d'avouer ses faiblesses. Surtout quand elle te blesse ou qu'elle te baise. Je dresse le contexte dans mes phrases à la syntaxe complexe. Mon lexique t'excite si t'es sexy. Baby, est-ce que tu me plais? Maybe, je suis monté au débit. Je veux pas d'une go débile. Sache décoder le script. Si à tes côtés je tilte sur ton décolleté, reste à ma portée et sache m'apporter le reste. T'as capté le texte, fin de la partie. Ma fin va marquer l'époque. Mon flow veut armer le Glock dans les starting blocks. Ça peut se finir dans un parking glauque, mais jamais sur un tapis dope. Les amis sautent, amis de l'autre. La Sainte Hélène et sa copine coca l'aide de Toxico. À peine connu au comico, pas besoin de jouer le gros mytho. Genre j'ai mangé 2 ans pour 2 pépitos. À qui t'ose faire croire ça, amigo? Y'a du talc dans le gigose. Guignol, le guigui pose, mignonne. Le guigui sauce, calibré du kitnose. Sale idée, t'es déjà en hypnose. J'vois glisser ton slip rose. Laisse-moi attendre d'un stigo ou de fumer sidio. J'suis l'homme qui tombe à pic gros. J'veux piloter une speed go comme Pierce Brosnan. Merde, faut passer au snack. Les cons débarquent, on est aussi cons qu'au départ. Nuancé, ma vie se martèle. Mes pensées face à l'envie se parcellent. Je veux pas être censé dans leur panel. Tu connais Canal Plus ou juste Julia Chanel? La queue dans le mouchoir, tu continues à boire dans ton Marcel. Moi je veux revoir celle qui m'en sorcelle. Peine à croire qu'elle me connaît comme si je sors d'elle. Je veux savoir pourquoi c'est le bordel devant un cortège de traîtres. La seule porte vierge, celle de ma tête. Pourtant je connais la misère. Les deux pieds dans la merde jusqu'au cou. Parce que je suis pris à la gorge jusqu'aux couilles. Hardcore lyrics comme une attaque de Sangoku. J'perds du sang beaucoup, j'perds mon temps sans doute. Ah merde, parce que mon entourage s'en fout. Ça sent le flou et le faux fou s'en floue. Y'a qu'au-delà de mes limites que je trouve mon équilibre et ma technique. Tu crois la gaieté, sache que ma tactique, vouloir tout péter.